Mais oui, bien sûr. Je le savais. Eureka. De solution miracle à cause d'une débâcle, les matières plastiques ont connu en à peine un siècle une trajectoire fulgurante. D'abord conçues comme solution de remplacement à des matériaux rares et chers, les matières plastiques produites à l'échelle industrielle ont fini par provoquer une révolution. Une révolution pratique au quotidien d'abord, puis un désastre environnemental et une menace sanitaire. On vous raconte donc aujourd'hui l'histoire du trop grand succès d'une invention partie d'une simple table de billard. Plastique, du pratique au tragique, c'est notre invention du jour. Bienvenue dans Eureka. Et pour parler de cette invention du plastique, nous avons le plaisir d'être en ligne aujourd'hui avec Nathalie Gontard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche à l'INRAE à Montpellier. Vous êtes co-autrice avec Hélène Singier du livre « Plastique, le grand emballement » paru en 2020 aux éditions Stock. Nous sommes également en ligne avec Florence Hachez-Leroy. Bonjour. Bonjour Antoine et bonjour à tous. Vous êtes maîtresse de conférence HDR à l'université d'Artois et nous sommes en ligne enfin avec Philippe Chalmin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, économiste, professeur à l'université Paris-Dauphine. Et pour commencer cette émission consacrée à l'invention du plastique, je vous propose d'écouter tout de suite une archive. Nous sommes en 1955. Sous l'action de l'énergie solaire, la nature combine différents éléments du sol et de l'air pour produire une infinie variété de plantes qui servent à notre alimentation, à notre confort, ou procurent des matières premières utilisées dans la fabrication de nombreux objets. Toutes ces matières organiques sont produites dans la nature par combinaison chimique. L'arbre que nous voyons ici est un parfait exemple de cette synthèse naturelle. Le bois est un composé de fibres de cellulose, solidement maintenues entre elles par une résine naturelle. Cependant, de nombreux objets, jusqu'ici fabriqués en bois, sont actuellement réalisés beaucoup plus facilement et présentés sous des formes plus agréables par l'utilisation d'un matériau relativement récent, le plastique. Cette carcasse de poste radio en matière plastique est également composée de fibres de cellulose, dont les fibres sont maintenues entre elles par une résine non plus naturelle mais synthétique, que l'on appelle résine phénolique. De même que l'arbre croît et se développe en faisant sous l'action de l'énergie solaire la synthèse des éléments qu'il tire de l'atmosphère et du sol, de même pour créer un plastique, on se sert d'éléments trouvés dans la nature. Voilà pour ce propos introductif. Nathalie Gontard, on peut peut-être commencer cette émission avec une définition pour l'instant simple et on rentrera peut-être plus tard dans le détail chimique des matières plastiques. De quoi on parle quand on parle d'une matière plastique ? Une matière plastique. Alors, une matière plastique, on peut la définir par rapport à son origine, mais je crois que surtout, et ce qui est très important, c'est on peut la définir par rapport à ses propriétés. Et une matière plastique, comme son nom l'indique, elle est plastique, c'est-à-dire qu'elle possède la propriété extraordinaire de pouvoir être mise en forme très facilement. Une matière plastique peut être mise en forme par simple chauffage, donc qui ramollit la matière. Ensuite, on peut lui donner n'importe quelle forme très très facilement. On refroidit et le plastique garde la forme qu'on lui a donnée. Donc, ce qui veut dire qu'on peut créer une myriade d'objets avec toutes les formes que l'on souhaite lui donner de façon très, très simple. Et je crois que cette propriété assez extraordinaire est à comparer avec tous les autres matériaux que l'homme a utilisés et utilise jusqu'à présent et qui sont beaucoup plus difficiles à mettre en forme. Et donc, le plastique a remplacé tous ces matériaux. Donc, par exemple, la pierre qu'il faut tailler pendant des semaines, le bois. Donc, on a entendu dans le petit extrait d'émission, là, l'exemple du bois qui était remplacé par du plastique. Et le bois, c'est vrai qu'il faut le raboter, assembler les pièces, les textiles qu'il faut tisser, coudre les feuilles de métal, par exemple de la boîte de conserve ou de l'avion qu'il faut assembler de façon solide et hermétique, les pièces de carton ou de papier qu'il faut agrafer. Et on peut aussi regarder le verre, hein, qui pour le mettre en forme, c'est quand même très compliqué. Il sort d'un four qui tourne 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Bref, C'est vraiment cette propriété de mise en forme qui définit, je crois, la propriété assez unique du plastique. Une petite tautologie, c'est la plasticité du plastique finalement qui le rend intéressant. Florence Achaz-Leroy, pour quelles raisons pratiques est-ce qu'on a commencé à vouloir fabriquer des matières plastiques à partir de la moitié du 19e siècle ? Alors, je dirais que ce ne sont pas des raisons pratiques, c'est-à-dire que c'est d'abord et avant tout la science. Hein. On cherche à comprendre son environnement, on analyse des substances, et puis de fil en aiguille, on met au point des matières, de nouvelles substances auxquelles on va trouver des usages. Donc on peut avoir vraiment des années de différence entre le moment où on identifie une substance et le moment où on va la mettre en forme. Hein, si vous prenez par exemple l'urée, qui est dans l'urine. Elle est, on la découvre à la fin du 18e, elle est synthétisée en 1828, mais on ne commence à fabriquer des objets que dans les années 20, et finalement c'est après la guerre que l'on va voir la vaisselle en mélaminée que l'on a toujours aujourd'hui, hein, dans les années 50-60, véritablement se développer et envahir notre quotidien. Alors sur cet exemple-là, on voit bien pourquoi on l'utilise, hein, c'est que le plastique c'est quasiment incassable, donc ça remplace avantageusement les assiettes en porcelaine, en céramique ou en verre. C'est léger, donc on peut les transporter dans une société de loisirs qui va effectivement prendre son essor après la Seconde Guerre mondiale. Et puis parmi tout ça, il y a la facilité d'entretien qui a déjà été mentionnée, c'est-à-dire que ça se lave bien, ça se fabrique facilement et ça se lave bien également. Donc là encore, on a une facilité. Bon, la seule, je dirais, limite, c'est qu'on ne peut pas cuisiner avec, au sens où on ne peut pas faire chauffer du plastique pour faire bouillir l'eau ou faire cuire son rôti. Si on raconte un petit peu l'histoire quand même des premières inventions liées à la matière plastique, est-ce qu'on peut dire un petit peu, Florence Achaz-Leroy, le point de départ des toutes premières matières plastiques synthétisées, on va dire? Oui, alors on a l'habitude de dire que la première matière plastique, au sens, je dirais, moderne du terme, c'est la parkésine, vers 1856, parce qu'il y a beaucoup de batailles de date hein, dans les inventions, mais c'est effectivement au milieu du 19e, c'est vraiment la deuxième révolution industrielle, alors entre guillemets là aussi, c'est-à-dire que c'est l'essor à la fois de l'électricité et de la chimie, et puis on va voir toute une série de plastiques apparaître après la parkésine. On a par exemple à partir du lait la galalite qui va être un assemblage à la fois du lait avec le lactosérum et puis du formol, le celluloïde, et puis alors tout ça qui sont des plastiques je dirais opaques pour des usages comme les boules de billard, enfin des objets très durs. C'est également la bakélite hein, qui émerge à ce moment-là. Et il faut attendre le début du XXe siècle pour voir apparaître la feuille d'emballage, enfin ce qui sera la feuille d'emballage plastique, c'est-à-dire la cellophane, hein, première recherche vers 1909 et fabrication, première usine 1924 aux États-Unis. Et là, on a le point de départ de l'emballage en plastique transparent. Qui va être conjoint avec l'essor du libre-service, puis des produits surgelés, tout ça aux États-Unis, puisque l'Europe, avec la Seconde Guerre mondiale, va voir tous ces marchés-là s'arrêter brutalement. Oui. Pardon. Nathalie Gontard, on va faire peut-être un petit peu de chimie. Florence Achaz-Leroy a parlé de beaucoup de matières plastiques, la parkésine, le celluloïde, la bakélite, le cellophane. Est-ce que vous pourriez nous expliquer grossièrement, enfin en tout cas d'un point de vue schématique, comment on fabrique ces matériaux-là, quels sont les procédés chimiques qu'on mobilise? Alors c'est toujours un petit peu compliqué à expliquer. En fait, les matières à l'origine du plastique, elles reviennent de très très loin dans le temps. Donc elles sont, on les récupère dans le pétrole. Le pétrole étant un jus noir qui est constitué d'une matière organique qui est dégradée, mais à l'abri de l'oxygène. C'est-à-dire que les grosses molécules organiques sont coupés en plus petits bouts, mais pas complètement. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on distille, c'est-à-dire qu'on va séparer les grosses molécules des petites. Les grosses molécules vont partir, les plus lourdes serviront à la production d'énergie, et les plus légères vont servir à alimenter les usines pétrochimiques. C'est-à-dire que d'un côté, on va récupérer des molécules dont on va compléter la destruction totale pour récupérer l'énergie, et de l'autre, on va utiliser les petites molécules comme des Legos, en fait. Et ces Legos Ce sont les chimistes qui ont découvert comment on pouvait utiliser les mains du carbone, parce que le carbone est une molécule qui a quatre mains. Et en général, donc, on en a deux où on peut fixer les molécules que l'on souhaite pour lui donner des propriétés. Et les deux mains restantes servent à attraper la molécule adjacente. C'est une forme de clipsage, en fait, de l'ego, qui permet d'obtenir ce que l'on appelle un polymère, c'est-à-dire une molécule qui est très très longue. Et donc le plastique est un polymère. Alors si donc le polymère, on peut l'imaginer un petit peu comme un collier de perles, et chaque perle est un monomère, et chaque perle est clipsée avec la perle adjacente. Donc tous les polymères, vous pouvez les identifier parce qu'ils ont toujours un nom qui commence par poly et ensuite quelque chose. C'est-à-dire que si donc, on regarde une étiquette, par exemple, de vêtements et qu'on voit polyéthylène ou poly quelque chose, c'est à base de plastique. C'est un plastique, exactement. Polyéthylène, c'est-à-dire que le polymère est constitué de perles d'éthylène qui ont été clipsées entre elles pour former une très très longue molécule. Polyéthylène terephthalate, donc là ce sont les bouteilles par exemple, hein, de lait ou autre. Là c'est une perle beaucoup plus grosse, et donc ces perles beaucoup plus grosse parce qu'on a réussi à attacher sur le carbone une molécule plus grosse qui donne des propriétés particulières. Et donc la chimie du carbone a permis d'exploiter ces propriétés du carbone et de donner tout un tas de propriétés à ces polymères. Donc du coup, on a pu fabriquer des matières à façon en fonction de ce dont on avait besoin, en termes de transparence, de résistance, de propriétés de résistance à l'eau, propriétés de résistance mécanique, de propriétés barrières à l'oxygène, etc., etc. Donc toutes les propriétés fonctionnelles. Alors on appelle propriétés fonctionnelles les propriétés qui sont liées à l'usage de ce plastique. On a pu les adapter aux besoins. Donc par exemple, si on veut utiliser le plastique pour protéger un aliment de l'oxygène ou de l'humidité, on va utiliser des plastiques qui vont être barrières à l'humidité et à l'oxygène. Par contre, dans l'aéronautique, on va utiliser les plastiques, on va créer des plastiques particulièrement résistants mécaniquement. Voilà. Donc vraiment, la chimie du carbone a permis de créer des matériaux à façon, en fonction de ce dont on avait besoin, mais on verra malheureusement aussi que ces matériaux à façon, ces propriétés pour lesquelles on les a utilisés, allaient engendrer des problèmes plus tard en termes de devenir de leurs déchets. Et on y viendra bien évidemment dans le courant de cette émission. Philippe Chalmin, si on reste un petit peu dans cette genèse et dans ces premiers matières plastiques, à quoi ces premières matières plastiques étaient destinées? On voulait fabriquer quoi avec et pourquoi c'était utile à ce moment-là? Bon, écoutez, ça a été un peu, je dirais, comme ça a déjà été souligné, des questions de hasard. Les premières véritables plastiques, alors je rappelle que la toute première invention d'un produit qui ne s'appelait pas plastique, mais qui a utilisé pour du plastique, c'est un Français, Braconnot, qui, dans les années 1830, a réussi à fixer le nitrate de cellulose. Et c'est à partir de ça qu'aux États-Unis, dans les années 1860, on commence pour la première fois à utiliser du plastique pour mouler des boules de manière à remplacer les très coûteuses boules de billard en ivoire par donc des boules en plastique telles que nous les connaissons aujourd'hui. Ensuite, et je crois que le premier à avoir utilisé le terme matière plastique, c'est justement ce Belge Léo Baclant, qui sera l'inventeur de la bakélite. Et la bakélite, pour les plus anciens de nos auditeurs, ils l'ont tous fréquenté. Nos vieux téléphones noirs, ceux qui étaient encore présents dans nos maisons dans les années 60 du XXe siècle, eh bien, c'était des téléphones en bakélite, et donc ça a été utilisé pour à la fois les combinés téléphoniques, mais aussi dans les tout débuts de l'électroménager. Mais au fond, dans les années de l'entre-deux-guerres, sont les années de l'entre-deux-guerres qui sont marquées par les grandes découvertes, le PVC en 1912, la cellophane, on en a parlé un peu plus tard, en 1933, le polyéthylène, en 1938, Dupont de Nemours, la firme chimique américaine va inventer le nylon, 1944, ce sera le polystyrène, mais au fond, l'ère de l'utilisation véritable du plastique ne commence qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, parce que on va commencer à véritablement mouler complètement des objets. Voyez-vous, c'est par exemple, c'est dans les années 50 qu'un chimiste italien, Giulio Castelli, réussit le moulage du premier égouttoir en plastique. Et c'est comme ça que le plastique est rentré dans nos cuisines. C'est à ce moment-là qu'une entreprise américaine va développer des bols et des instruments, non pas des instruments de cuisine, mais des objets permettant de conserver les aliments, et qu'ils vont avoir l'originalité de commercialiser par le biais de réunions à l'intérieur des maisons, tenues par des ménagères, et ça va être l'extraordinaire succès dans les années 50 du Tupperware. Le Tupperware, l'entreprise Tupperware avait été créée en 1946. Et donc, c'est vraiment à partir, et vous l'avez dit tout à l'heure, le plastique est à la limite l'un des symboles en termes de produits des Trente Glorieuses, de cet extraordinaire moment dans lequel la vie quotidienne change profondément. Et le plastique en fait partie, au point d'ailleurs d'avoir suscité l'admiration en 1957. Roland Barthes, qui écrivait des chroniques dans Le Monde, qui ont été ensuite réunies dans un volume Les Mythologies. Et je vous interromps puisque on va justement dans un instant y venir à ces mythologies. Je n'ai qu'un seul mot à vous dire. Juste un mot. Oui, monsieur. Vous écoutez ? Oui, j'écoute. Plastique. France Culture. Qu'entendez-vous juste par là ? Il y a de l'avenir dans les plastiques. Eureka. Autant suspend ton bol. Oh, matière plastique, d'où viens-tu ? Qui es-tu ? Et qu'est-ce qui explique tes rares qualités ? Antoine Beauchamp. On en arrive évidemment à l'âge d'or du plastique, les Trente Glorieuses qu'évoquait Philippe Chalmin à l'instant, et il évoquait également à l'instant les fameuses mythologies de Roland Barthes, parues en 1957, dont je vous propose la lecture d'un extrait. Malgré ces noms de berger grec, polystyrène, phénoplaste, polyvinyle, polyéthylène, le plastique est essentiellement une substance alchimique. D'un côté, la matière brute, tellurique, et de l'autre, l'objet parfait, humain. Et entre ces deux extrêmes, rien. Ainsi, plus qu'une substance, le plastique est l'idée même de sa transformation infinie. Il est, comme son nom vulgaire l'indique, l'ubiquité rendue visible. Et c'est d'ailleurs en cela qu'il est une matière miraculeuse. Le miracle est toujours une conversion brusque de la nature. Le plastique reste tout imprégné de cet étonnement. Il est moins objet que trace d'un mouvement. Voilà pour cet extrait des mythologies de Roland Barthes. Une réaction, Florence Achèze-Leroy, à cette fascination qu'exerce le plastique alors et à ce miracle qu'il incarne. Oui, on aurait pu tout aussi bien mettre un extrait du film d'Alain René, Le Chant de Styrène. On a hésité. voilà, avec un scénario de Raymond Queneau, parce que c'est 1958, on est bien dans cette même période, et cette fascination pour ce que l'on appelle à l'époque la modernité, avec fascination à la fois du monde de la production, parce que ce sont des productions automatisées, des produits colorés, donc là encore une apparence du matériau qui est tout à fait nouvelle pour les contemporains. Ceci étant, je crois qu'il ne faut pas non plus tomber dans une modernité béate, c'est-à-dire qu'on voit aussi à ce moment-là, et aux États-Unis, une sorte de critique. Hein, quand on, aux États-Unis, dans les années 50-60, on parle de plastic society, c'est comment quelque chose de négatif. C'est-à-dire que cette mode du plastique qui envahit tout, parce que c'est certes le matériel de cuisine, mais c'est aussi les meubles hein, en plastique, c'est des canapés avec leur mousse en poly quelque chose. Donc tout cet environnement, il suscite des inquiétudes, à la fois parce que certes c'est beau, mais quand ça brûle, c'est toxique et je crois qu'on va y venir après. Bien sûr. Alors pour ce qui est de Roland Barthes a écrit toute une série hein, de mythologies où il met en évidence le regard que l'on porte sur certes le plastique, mais il y a aussi un très très beau passage sur la déesse avec tous les métaux qui sont mis en œuvre, qui brillent, enfin cette fascination de l'objet industriel et du design industriel qui lui est associé. Donc oui, c'est très caractéristique de cette période-là, mais il ne faut pas non plus y être dupe. Puisque vous évoquez l'aspect industriel et l'industrialisation du plastique, Philippe Chalmin, est-ce que une chaîne industrielle se met immédiatement en place autour du plastique ? Quel est le tournant historique en fait pour l'industrialisation du plastique ? Bon, écoutez, c'est relativement simple. En 1950, la production mondiale de plastique s'élève à 1,5 million de tonnes. En 1980, nous sommes à 60 millions de tonnes. Et à l'époque, pour l'essentiel, cette production se fait dans les pays occidentaux. Et à la limite, là, on est encore, je dirais, dans des tonnages gérables, puisque la grosse accélération va se faire après, et essentiellement d'ailleurs dans les nouveaux pays industrialisés, puis plus largement dans la consommation de l'ensemble des pays en développement. Et je vous la fais brève, en l'an 2000, on a par rapport donc à 1980, 60 millions de tonnes. En l'an 2000, on a triplé cette production, on est à 187 millions de tonnes. Et en 2017, nous étions un peu moins de 350 millions de tonnes. À l'heure actuelle, alors bon, avec la pandémie, on a certainement vu la production de plastique diminuer un peu, mais a priori, l'horizon des 400 millions de tonnes de plastique produites annuellement devrait à peu près être atteint dans les quelques années à venir. Il n'y a aucune production industrielle dans le monde qui est connue pareille explosion. Je rappelle que, par exemple, entre 1980 et 2017, donc le plastique, on passe de 60 à 350 millions de tonnes, eh bien, la production d'acier passe de 600 à 1700 millions de tonnes. Vous voyez, là, on a une croissance, mais qui n'a aucun équivalent, et c'est vraiment relativement unique. Oui, alors c'est une industrialisation avec de très grandes entreprises qui se développent, qui sont les grandes entreprises chimiques et les grandes entreprises pétrolières qui, à l'époque, ont toutes leurs filiales dans le domaine de la chimie et donc dans la production des bases du plastique. Nathalie Gontard, vous souhaitiez réagir à ce propos ? Oui, je voulais juste rajouter un élément d'information qui est important. Lorsqu'on parle de l'industrialisation du plastique, il faut faire la différence entre l'objet fini en plastique et puis le pellet de plastique. C'est-à-dire que ce qui a fait le succès du plastique, c'est donc son industrialisation, qui a permis de le fabriquer en très grande quantité, à un coût extrêmement faible, donc ça veut dire qu'il a été disponible partout. Et alors ce qui se passe, c'est qu'en fait, on synthétise le plastique dans des grosses unités pétrochimiques. Et ce qui sort de ces unités-là, de ces grosses usines, ce sont des pellets. Ça ressemble à des grains de riz, en fait. Hein. Mais c'est du plastique. Et ce pellet est une matière première extrêmement stable qui peut parcourir le monde dans tous les sens et qui se conserve très longtemps. Et ensuite, elle est mise en forme dans des petites unités de transformation à la demande. Et c'est justement ce qui a fait vraiment, je pense, le succès du plastique. Et cette industrialisation en deux étapes. Donc, le pellet qui est synthétisé à très faible coût dans des très grosses usines centralisées, pétrochimiques, etc. Et ensuite, ce pellet-là qui peut voyager tout autour du monde et qui peut ensuite aller être mis en forme en fonction de l'utilisation et de l'objet que l'on veut créer dans des petites unités et de façon très très simple, des unités qui ne nécessitent pas de gros investissements, contrairement à beaucoup d'autres matériaux que le plastique a substitué. Donc c'est aussi, en fait c'est très lié à cette propriété de plasticité, hein, c'est-à-dire qu'on peut mettre en forme ce matériau très facilement dans des petites unités de fabrication, et on a été capable aussi de le fabriquer à très grosse échelle grâce aux industries pétrochimiques. Et donc on se retrouve vraiment, le pellet de plastique est une matière première très importante et qui joue un rôle très important oui, dans notre économie mondiale. C'est ça qui est très intéressant, c'est que c'est une matière économique aussi bien pour ceux qui la produisent que pour ceux qui s'en servent pour fabriquer d'autres choses. C'est une matière qui est finalement gagnant. C'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. C'est ça, mais c'est surtout une matière en fait intermédiaire. Hein. Et ce qui est commercialisé, ce sont les pellets. Ce qui est commercialisé à l'échelle internationale, ce sont vraiment des pellets. Ce qui voyage, ce sont des pellets de plastique. Mmh. Ensuite, ils peuvent être mis en forme sur place. C'est ça. Florence Hachez-Leroy, on comprend, vécu une sorte de révolution plastique au XXe siècle. En quoi est-ce que le plastique accompagne aussi une révolution dans nos modes de consommation à cette époque-là? Alors, la Seconde Guerre mondiale a été un moment extrêmement important. Quand on s'intéresse ou que l'on regarde les archives américaines, notamment de Dupont de Nemours, hein, ou du syndicat des plastiques, on se rend compte que c'est une période où ils ont été contraints de mettre au point des nouveaux produits, notamment des emballages avec des systèmes multicouches. Donc, des matériaux mixtes, donc des emballages qui alliaient à la fois le papier, le plastique, l'aluminium, voire le goudron pour des suremballages, et qui répondaient en fait aux demandes de l'armée pour approvisionner les GI sur les différents fronts, et en particulier le front asiatique, où il faisait extrêmement chaud et extrêmement humide. Donc on a vu là toute une série de nouveaux emballages se développer. L'essor de nouveaux types de consommation comme les produits lyophilisés, donc que l'on met aussi dans des emballages spécifiques, des produits déshydratés, et tous ces progrès qui sont faits pendant la guerre pour les GI vont ensuite trouver un développement et un développement vraiment extraordinaire après la guerre. Alors c'est le cas aussi pour les boîtes boissons, hein. Le Coca-Cola est envoyé en boîte de conserve parce que le verre ça casse, la boîte de conserve acier est plus solide. On verra ensuite se développer l'aluminium et donc on a pour ces différents types d'usages, voilà, tous ces nouveaux emballages qui apparaissent. Quand le libre service va lui aussi développer un nouveau mode de consommation associé à la chaîne du froid et à la surgélation, hein, tout ce qui est congélation, là encore, les emballages vont suivre et les matériaux vont être mis en œuvre pour répondre à ces nouveaux modes de consommation. Donc ça va être des achats en supermarché dans des emballages en plastique ou des matériaux mixtes. C'est le Tetra Pak, hein, par exemple, pour le lait. La bouteille de lait directement en plastique, avec un intérêt, c'est que du point de vue de l'hygiène, vous pouvez former votre bouteille plastique dans l'usine de conditionnement du lait. Vous n'avez pas de problème de stérilisation comme pouvait se poser avec le verre. Mmh. Donc là, on a aussi une facilité de mise en œuvre. Et de fait, voilà, le plastique, grâce à ses qualités, hein, qui ont été soulignées, se développe dans tout ce qui, voilà, partout où c'est possible. Philippe Chalmin, sur cette invasion des matières plastiques qui accompagne une révolution dans nos modes de consommation. Oui, tout à fait, dans la mesure où, quand on regarde, bon, aujourd'hui, on est à peu près, je l'ai dit, aux alentours de 350 millions de tonnes de production et donc de consommation de plastique. Là-dessus, il y en a un peu moins de la moitié, 150 millions de tonnes, qui sont utilisées dans la fonction emballage et qui, pour une bonne partie, sont malheureusement des objets, enfin des emballages à usage unique. N'oublions pas l'utilisation du plastique dans le bâtiment, Nombre de nos fenêtres ne sont plus en bois aujourd'hui, mais en PVC. L'isolation qui est réalisée notamment aussi, voilà, pas mal en polystyrène. Voilà. Dans le domaine des textiles, puisque les fibres synthétiques qui appartiennent à la famille des plastiques sont des concurrentes directes des fibres naturelles, coton, laine ou autres. Et puis, vous les trouvez dans les transports, l'électronique, etc. Mais le problème majeur que posent les plastiques, notamment les plastiques à usage unique, c'est incontestablement dans cette fonction emballage, 150 millions de tonnes par an qui sont utilisées et qui en fait sont jetées. Grossièrement, il faut bien se dire que chaque année, donc je vous l'ai dit, 350 millions de tonnes de plastique qui sont produits et donc à peu près consommés, eh bien, pour l'essentiel, on peut estimer qu'il y en a, d'après une étude récente de la Banque mondiale, on était à peu près le contenu des déchets ménagers déchets municipaux représentés, il y avait 250 millions de tonnes de plastique. Donc vous voyez, 350 millions de tonnes produites chaque année, 250 millions de tonnes que l'on retrouve dans les déchets. Ça veut dire que la caractéristique aussi d'une partie des plastiques, bien au-delà de ce dont rêvait Roland Barthes, c'est-à-dire d'un produit qui pouvait tout remplacer et qui était d'une extraordinaire plasticité, c'est le cas de le dire, ben, ce sont malheureusement des produits qui sont utilisés une fois, jetés, et pour lesquels, bien entendu, se pose peu à peu et de plus en plus le problème de leur réutilisation, de leur recyclage éventuel et, au départ d'ailleurs, de leur collecte. Nathalie Gontard, une réaction à ce propos ? Oui, comme on vient de le dire, le plastique a accompagné, voire même conditionné le progrès dans de nombreux secteurs, donc il s'imposait dans de nombreux secteurs. On a vu pour l'emballage, hein, dans l'agroalimentaire. Mais on peut aussi parler de l'aéronautique, du bâtiment, de l'industrie du vêtement, de la chaussure, du sport, de l'automobile, de l'informatique, de l'électronique, le médical. Enfin, on peut regarder tous les secteurs. Et aussi, toutes les technologies. Il faut quand même savoir que toutes les technologies, beaucoup, en tout cas, des technologies, la majorité, je vais dire, des technologies de transition, qu'elles soient numériques ou écologiques, font énormément appel à des technologies qui sont basées sur l'utilisation de plastique. Donc, le numérique, le dématérialisé, ben, lorsque vous utilisez des ordinateurs, il y a quand même beaucoup de plastique à l'intérieur. Les technologies de transition écologique, que ce soit les pratiques agricoles, où on utilise énormément de plastique pour limiter justement l'utilisation de pesticides, limiter l'arrosage, etc., l'utilisation des batteries électriques, les plastiques contenus dans les éoliennes, etc. Enfin, la liste est extrêmement longue, c'est-à-dire qu'actuellement, tous nos plus beaux progrès actuels sont essentiellement basés sur l'utilisation et la mise en œuvre de plastique. Et c'est vrai qu'en préparant cette émission, c'est important de dire quand même, parce que souvent on l'oublie. Oui. Le plastique accompagne également le progrès, et c'est très important ce que vous dites, parce qu'en préparant cette émission, je me faisais cette remarque assez naïve, mais je regardais un petit peu autour de moi et je me disais, bon bah ça c'est du plastique, ça c'est du plastique, ça c'est du plastique, et on va voir que ça peut poser quelques problèmes. Restez avec nous, on va en parler dans un instant. Si l'on mettait le temps du plastique en musique, zique, zic, on y perdrait son temps de temps en temps, en y gagnant des sous et des bijoux en plastique, bien plus économique, mique, mique, et bien plus intéressant que les diamants que l'on pend au cou des gens, car le temps du plastique, c'est bien plus fantastique, tic, tic, on y voit le printemps passer son temps à faire des fleurs en papier. Si l'on mettait le temps des pin-up au pique-up, PE Pony gagnerait son temps et son argent tout en n'y perdant niette, à part le chouette. Mais le chouette, tu le repeuples en revirant en pique PE, sans avoir à causer à ces pépés qui font pi, qui font pi, qui font pitié, car le temps des pinèpes passera et puis hop, c'est pinèpe que l'on pique et hop, sur les murs des maisons, des cons, des cons. Si l'on mettait le temps des fanfares à la gare, gare, gare, on perdrait pas son temps, de temps, sans temps, et l'on y gagnerait de quoi se faire bien la joie, car mieux vaut une guitare que les sonneries de la gloire, war, war, et que les salons cossus, dodus, connus, où l'on se file les potins et le popotin, car le temps des fanfares, ça s'en va d'art, d'art, d'art, d'art, on y voit des acadés, mi quoi crever comme, comme tous les hommes. Si l'on mettait le temps des pin-up à la gare et les fanfares au plastique et puis hop, on serait peinard, il n'est peut-être pas trop tard, trop tard, trop tard, trop tard, trop tard, trop tard. Trop tard. Le temps du plastique par Léo Ferré à 16h35 dans Eureka sur France Culture, puisque nous parlons tout au long de cette heure de la révolution du plastique en compagnie de Nathalie Gontard, directrice de recherche à l'INRAE de Montpellier, co-autrice avec Hélène Singier du livre Plastique, le grand emballement, paru en 2020 aux éditions Stock, en compagnie également de Florence Hachez-Leroy, maîtresse de conférence HDR à l'Université d'Artois, et de Philippe Chalmin, historien, économiste, professeur à l'Université Paris-Dauphine. Alors on en arrive au temps des questions sur le plastique, et pour introduire cela, je vous propose d'écouter une archive. C'était en 1973. Industrialisé et commercialisé depuis la dernière guerre mondiale, les matières plastiques ont insensiblement envahi tous les domaines de notre vie quotidienne, à un tel point que notre habitation de demain sera peut-être une bulle de plastique ressemblant à un vaisseau cosmique venu d'une autre planète. Ces matériaux de synthèse, sortis tout droit des laboratoires des terriens, ont connu un formidable essor dans le secteur particulier de l'emballage qui représente aujourd'hui près de 25% des débouchés de la profession. Beaucoup utilisés dans le domaine alimentaire et mis directement au contact des denrées, l'emballage plastique est soupçonné d'être nocif. Lorsque l'emballage a rempli son office, il faut le détruire. Le moyen le plus radical est le feu. On accuse encore les matières plastiques de polluer l'atmosphère par incinération. La quantité d'acide chlorhydrique dégagée dans le panache au-dessus des cheminées est très faible, en ce sens que si nous prenons les normes les plus sévères de rejet existant actuellement dans le monde, nous sommes actuellement à moins d'un cinquième du taux limite. Ce taux limite sera vite atteint si l'industrie des plastiques poursuit son rythme de croissance qui consiste à doubler sa production tous les 5 ans. Ceci pour répondre à la demande des consommateurs de plus en plus nombreux. Les déchets, eux, suivent donc parallèlement cette courbe ascendante. Voilà pour cette archive de 1973. Florence Hachez-Leroy, une réaction. En fait, on se rend compte qu'on a très vite eu conscience de l'enjeu environnemental, écologique que pourrait représenter cette profusion plastique. Oui, oui, absolument. C'est-à-dire que les industriels du plastique américains en particulier se sont très vite rendus compte que l'opinion publique était partagée vis-à-vis du public et ont lancé des études de... Pardon, des études du plastique, oui, excusez-moi. Et on lançait des études d'opinion pour comprendre où se trouvaient les résistances. Alors, la résistance, elle était effectivement dans la pollution, parce que l'emballage et le suremballage se sont beaucoup développés, les plastiques ont débordé des poubelles des ménages, et le recyclage n'était pas du tout, du moins le ramassage des ordures ménagères n'était absolument pas calibré pour ce type d'emballage et de pollution, si je puis dire. Et puis, le deuxième front qui s'est développé, qui s'est ouvert, c'est celui des sapeurs-pompiers qui ont été, eux, confrontés à une toxicité des matières plastiques lors des incendies, parce qu'effectivement, qu'il s'agisse des meubles, des moquettes, des revêtements, des nappes en plastique, leur combustion a non seulement coûté la vie à des personnes qui habitaient dans les maisons, mais également aux pompiers eux-mêmes. Donc on voit ce front s'ouvrir. Le célèbre livre de Rachel Carson, Silent Spring, a permis, donc c'est était consacré aux pesticides, mais plus globalement à l'industrie chimique et au plastique, et a fait prendre conscience des dangers de l'industrie plastique. Mmh. Nathalie Gontard, dans ce que dit Florence Achèze-Leroy, il y a deux choses que je trouve intéressantes. D'un côté, l'aspect toxique des plastiques, on y reviendra, mais surtout l'aspect déchet. Le problème du plastique, et ce qui le rend miraculeux, c'est qu'il dure dans le temps. Est-ce que c'est pas là également son principal défaut? Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu, nous rappeler combien de temps, quelle est la durée de vie d'un plastique normal, de base, avant qu'il se dégrade? Oui, alors juste avant de revenir sur cet impact sur le long terme, donc dû à la persistance du plastique, et juste revenir sur cette toxicité aiguë qui vient d'être évoquée par Florence Achèze-Leroy après incinération. Donc c'est une toxicité qui est aiguë. Donc on a pris conscience en fait de cet aspect de toxicité potentielle dans les années 90 de ces plastiques, et notamment avec toute une série de scandales sanitaires qui étaient liés à la migration des additifs. Alors parlons-en justement de ces additifs. Peut-être expliquez-nous un petit peu pourquoi à un moment donné on s'est dit qu'on allait introduire des additifs dans les matières plastiques, et comment on a fait, et qu'est-ce que ça a apporté d'abord comme propriété au plastique, mais quels défauts ça avait? Alors, parce que depuis tout à l'heure, on explique que le plastique, c'est un polymère qu'on peut mettre en forme, etc. Mais le plastique, ce n'est pas que ça. Le plastique contient jusqu'à 30% d'additifs. Donc, on rajoute des additifs pour tout un tas de bonnes raisons. Parce qu'on a envie que le plastique soit plus souple, parce qu'on a envie qu'il soit coloré en violet avec des taches vertes, parce que on a envie qu'il soit plus facilement mis en forme, parce qu'on a envie qu'il n'attache pas, par exemple, la buée, pour qu'on puisse voir les carottes à travers l'emballage en plastique. Enfin, bref, pour tout un tas de raisons, parce qu'on a envie qu'il brûle aussi beaucoup moins facilement. Hein, donc, on rajoute tout un tas de retardateurs de flammes, etc., etc. Donc, on s'est aperçu dans les années 90 que alors, ces additifs, ce sont des petites molécules. Il faut les imaginer comme posées dans une espèce de filet qui est constitué de ces molécules de polymères. Hein. Et donc, ces additifs, eux, ne sont pas liés aux molécules de polymères. Et donc, elles peuvent migrer. Et donc, les scandales sanitaires des années 90 ont été dus à la migration de substances de l'emballage plastique vers l'aliment. Donc, on a trouvé du styrène dans les yaourts, des yaourts emballés dans du polystyrène. Donc là, il y avait des petites perles qui s'échappaient, clac, clac, dans les aliments. On a trouvé des phtalates, du semi-carbazide, de la benzophénone, et le dernier en date étant du BPA, donc le tristement célèbre perturbateur endocrinien. Le bisphénol A. Et tout ça, voilà, c'est ça. Donc ce sont des dangers qui sont liés qui ne sont pas liés au devenir des déchets plastiques, c'est-à-dire à l'étape de fin de vie des plastiques, mais à leur utilisation. Alors là, c'est un aspect quand même qui est relativement bien maîtrisé grâce au travail de recherche qui est réalisé au sein des organismes de recherche, mais aussi au sein des agences de sécurité de nos aliments. Donc c'est l'ANSES pour la France ou l'EFSA en Europe. Et tout ça, donc, il a fallu attendre quand même plutôt la décennie des années 90-2000 pour se rendre compte de ces effets délétères du plastique sur notre santé. Disons qu'il a fallu qu'on retrouve en quantité significative ces additifs qui étaient dangereux pour la santé. Donc ensuite, on a mis en place des recherches pour essayer de comprendre comment ces additifs pouvaient se trouver là, pour essayer de contrôler cette migration, la prévenir, essayer de trouver d'autres solutions. Et alors après, il y a le danger, parce que souvent on mélange un petit peu les deux, donc ça c'est du danger qui est lié à l'étape d'utilisation, mais le plastique, une fois utilisé, il va persister en effet extrêmement longtemps. Donc c'est vraiment une caractéristique du plastique. Le plastique est un matériau qui va persister pendant plusieurs centaines, voire milliers d'années après utilisation. Et bon, on peut se dire, ça c'est un problème, la persistance. Mais en fait, c'est pas uniquement la persistance qui pose problème. C'est le fait que ce matériau aussi, pendant son étape de persistance, se fragmente en petits bouts, en petits morceaux qu'on va appeler microplastiques, microparticules ou nanoplastiques, qui sont des nanoparticules qui sont encore plus petites que les micros. Et alors, ces petits fragments posent problème parce qu'ils sont capables de voyager dans tous les compartiments de notre environnement. Alors, voilà, on commence par notre environnement, les sols, on va les retrouver dans les eaux, par les lessivages, ensuite dans nos mers, et bien entendu, ils s'introduisent dans la chaîne alimentaire, jusque dans nos propres organismes. Il n'y a aucune raison pour qu'ils s'arrêtent aux organismes que l'on consomme, donc le nôtre aussi. Voilà. Donc, on sait qu'actuellement, on consomme déjà, grosso modo, l'équivalent d'une carte bancaire de plastique sous forme de microplastique, sachant qu'il est plus difficile de détecter les nanoplastiques, même si on sait déjà qu'il y en a un petit peu partout. On en consomme une par semaine, c'est ça, à peu près ? Ouais. Chaque semaine, on mange notre carte bleue. Bon, très bien. Voilà. Et alors, juste peut-être pour terminer un petit peu sur ces aspects-là, le plastique est quand même un matériau assez extraordinaire, on l'a vu au cours de son utilisation, mais aussi en tant que déchet dans son devenir, parce que tous les matériaux que l'homme avait utilisés jusqu'à présent, le bois, le verre, etc., ce sont des matériaux qui sont capables de réintégrer un des cycles biogéochimiques de la planète. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas perturber l'équilibre de notre planète, puisqu'ils vont pouvoir... leurs éléments vont pouvoir réintégrer un de ces cycles. Donc, par exemple, un papier qui va être biodégradé par les micro-organismes du sol et ensuite, hop, on va le retrouver. Tous ces éléments essentiels du papier vont pouvoir être réutilisés par la matière végétale qui va resynthétiser, etc. Le verre, le métal, lui, va se solubiliser très lentement, certes, mais il ne se fragmentera pas. Il va se solubiliser très lentement et la silice du verre ou le fer du métal vont pouvoir réintégrer les cycles de ces métaux sur la planète. Donc, il y a des cycles qui étaient naturellement présents. Or, le plastique est un matériau qui est sorti de l'imagination de l'homme entièrement, qu'il a inventé, sans penser ensuite, sans anticiper son devenir. Et c'est là qu'on se retrouve avec un matériau qui déstabilise notre planète parce que c'est un matériau qui est capable de persister des centaines, voire des milliers d'années et qui a un comportement extrêmement particulier puisqu'il se fragmente. Et on va en venir bien évidemment à ces solutions de recyclage qu'on envisage pour les matières plastiques. Mais avant cela, Florence Achèze-Leroy, je crois que vous souhaitiez réagir au propos de Nathalie Gontard. Oui, parce que voilà cette question des matériaux contaminants, en fait, elle est présente dès l'apparition de ces matières plastiques et les industriels l'ont en tête, notamment parce que la régulation, le régulateur va aussi intervenir et on a les grandes lois sur l'alimentation qui vont pousser les industriels à être beaucoup plus attentifs. Alors, je vous donne un petit exemple sur Dupont-Nemours. En 1938, Dupont-Nemours va se rendre compte que quand il produit la cellophane ou les films plastiques polyéthylène, ben dedans il utilise l'éthylène glycol et cette substance est toxique, elle est cancérigène, donc ils vont être obligés de revoir leur processus de fabrication pour l'enlever. Et effectivement, la loi sur l'alimentation américaine est extrêmement sévère. Et après la Seconde Guerre mondiale, c'est la FAO et l'OMS, donc les grands organismes des Nations Unies pour l'alimentation ou pour la santé, qui vont créer un comité conjoint pour examiner ces questions-là. Alors, il y a la question des additifs et puis il y a la question des contaminants, donc des matériaux dans lesquels on met les aliments. Juste pour avoir aussi cette idée sur les plastiques, il y a un chercheur français qui est extrêmement intéressant et très connu aux États-Unis, c'est René Lefaux. Son premier traité de toxicologie, si ma mémoire est bonne, 1952. Et c'est toxicologie parce qu'effectivement, le plastique est toxique, quel que soit sa forme et quels que soient les modes d'utilisation ou s'il est soumis à des chaleurs trop fortes. Donc, simplement vraiment avoir en tête que Les industriels font des recherches pour mettre au point des nouveaux plastiques. Ils ont aussi en tête cette question de la toxicité et ils font des choix, et des choix qui peuvent être économiques avant d'être des choix forcément sanitaires. Donc c'est la régulation qui les pousse, enfin qui fait toujours reculer cela. Et quand l'OMS et la FAO mettent ce comité en 1954 en place, c'est sous la pression des politiques qui décident, enfin des politiques, pardon, des chercheurs qui disent mais là on a trop de substances nouvelles mises en œuvre, que ce soit en additifs ou en contenants, il faut absolument réguler à l'échelle internationale et aider les pays qui sont les moins avancés à également réguler et mettre le holà sur l'usage de ces matériaux-là. Bien justement, on va essayer de ne pas s'en tenir à ce constat un petit peu inquiétant concernant les matériaux plastiques. On va essayer de parler maintenant, dans la dernière partie de cette émission, des solutions qui sont envisagées pour traiter ce problème plastique. Philippe Chalmant, on peut peut-être commencer par la base, par la question de la collecte des plastiques. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? À partir de quand, finalement, on a mis en place des systèmes de collecte systématique du plastique? Oh, il est excessif de dire que ça a été mis en place. Ça a été mis en place dans un certain nombre de pays. Ça reste quand même terriblement limité. Car un des problèmes du plastique, ça commence dès la collecte, c'est qu'en fait le plastique, il se trouve mélangé à une bonne partie de déchets ménagers, et la valorisation du plastique au moment de la collecte est extraordinairement difficile à mettre en œuvre. On est à un niveau recyclage du plastique qui est estimé, suivant les pays, entre 10 et 20% seulement. C'est ce qui signifie, si on prend le problème, si on regarde le verre à moitié vide, que 80%, voire 90% des plastiques ne sont pas du tout recyclés. La chose est beaucoup plus grave. Un chercheur américain d'Université de Californie a calculé que depuis 1950, le monde avait produit 8,3 milliards de tonnes de plastique. Que là-dessus, 5,8 milliards de tonnes avaient été jetées. Ce qui, au passage, montre qu'il y a du plastique que l'on garde et qu'on continue à utiliser nous-mêmes. Bon, et que sur ces 5,8 milliards de tonnes qui avaient été jetées, 500 000 tonnes seulement avaient fait l'objet d'un recyclage et 700 000 tonnes avaient fait l'objet d'une incinération. Vous faites la différence, ça veut dire qu'il y a 3 milliards de tonnes de plastique qui ont été jetées depuis 1950, et comme cela a été dit, peut-être sont-ils en voie de fragmentation, en tout cas, ils sont toujours très largement dans notre environnement, en particulier dans ce cinquième continent dont on parle beaucoup, ces amas de plastique que l'on retrouve dans les mers. Donc, c'est bien cela le problème. Le problème est celui, un, de la collecte, deux, de la valorisation post-collecte. Il n'est pas toujours si intéressant que cela de recycler. Il y a des plastiques qu'il faut bien entendu recycler. Il y en a d'autres très probablement qu'il vaut mieux incinérer. La valorisation énergétique étant quelque chose de tout à fait respectable. Mais je le répète, au départ, le problème majeur est celui de la collecte. Alors, pour l'instant, nous avons des objectifs en Europe et en particulier en France qui sont extraordinairement ambitieux, mais je rappelle que, par exemple, la feuille de route de l'économie circulaire en France visait pour 2025, nous sommes en 2021, 100% de plastique recyclé. Pour l'instant, en France, on n'est pas trop mal, mais nous ne faisons que 22%. De taux de recyclage de nos plastiques. On le comprend bien, donc le plastique recyclé, c'est encore loin. Le plastique recyclé à 100%, on en est encore loin, et les techniques de recyclage ont quand même d'importantes limites. Nathalie Gontard, on parlait de collecte, de recyclage. On peut peut-être évoquer, malheureusement il nous reste plus beaucoup de temps, mais on peut peut-être évoquer les solutions alternatives au plastique. Vous-même, vous y travaillez. En quoi consistent ces travaux-là et comment on cherche des alternatives au plastique, notamment dans le domaine de l'emballage? Alors nous, nous développons des plastiques, enfin c'est pas du plastique en fait, mais ça ressemble à du plastique, mais c'est pas du plastique. On ne les synthétise pas à partir de pétrole, mais à partir de résidus agricoles, c'est-à-dire qu'on n'entre pas en compétition avec la production alimentaire. Et surtout, ce sont des matériaux ensuite qui peuvent rejoindre un des cycles biogéochimiques qui sont naturellement présents sur Terre. Et donc, ce sont des matériaux pour nous qui sont biodégradables en conditions naturelles. C'est-à-dire qu'une fois en fin d'utilisation, ces matériaux pourront être digérés par les micro-organismes du sol et ensuite réintégrer le cycle merveilleux du carbone. C'est quand même le plus beau recyclage le plus parfait recyclage qui existe. C'est quand même la nature qui nous l'offre, avec le cycle du carbone. Et ce qui n'empêche absolument pas ces matériaux d'être recyclés, réutilisés et recyclés. Parce que souvent, il y a une énorme confusion. Donc, on arrive en fin d'émission, donc on ne va pas pouvoir développer. Mais je crois que ça serait important, c'est très important de clarifier ces aspects-là. On mélange souvent, en fait, on oppose biodégradation, les biodégradables avec les recyclables, le recyclage. Or, en fait, les matériaux plastiques ne sont pas vraiment recyclables. C'est-à-dire qu'un matériau plastique, par définition, est un matériau qui va se salir et se dégrader au cours de son utilisation. Un petit peu contrairement d'ailleurs à ce qu'on a dit en début d'émission. Et c'est un matériau donc qui va pouvoir être retransformé, mais qui sera dégradé. Donc le plus souvent, à 99%, ce qu'on appelle recyclage, c'est du décyclage. C'est-à-dire qu'on va chercher de nouveaux usages pour un plastique dégradé qui est ainsi stocké dans de nouveaux objets. Par exemple, dans des vêtements, des revêtements de route, des bancs publics, etc. Il y a seulement 1% des plastiques que nous utilisons qui est retransformé en nouvel objet, en fait le même objet. Donc ce sont les bouteilles en PET qui sont nettoyées, qui sont décontaminées, et ensuite on refabrique une bouteille en PET. Donc là, ça représente uniquement 1% des plastiques que l'on utilise en France. Donc le recyclage du plastique est extrêmement limité, et je crois que on a actuellement, nous développons d'autres matériaux, voilà, biodégradables, etc. Je crois quand même que le principal effort et la principale solution réside dans la réduction de notre consommation, parce que finalement, on a très peu parlé de l'emballement de ce plastique, c'est-à-dire si ce plastique a constitué un réel progrès pour pas mal d'applications, on l'a utilisé en quantité bien supérieure à ce dont nous avions réellement besoin. Donc actuellement, le plastique est quelque chose, il y a beaucoup d'objets plastiques qui nous pèsent plus qu'autre chose. Ce sont des objets qui ne participent plus à notre bien-être. Donc réduire notre consommation, certes, il y a tout un tas de technologies qui sont développées pour recycler, pour développer de nouveaux plastiques, et j'y travaille depuis plus de 30 ans dans mon laboratoire. Mais je pense quand même que la première mesure est vraiment de prendre conscience que nous consommons bien plus de plastique que ce dont nous avons besoin, et que nous sommes en train de nous étouffer avec ce plastique, et surtout de compromettre l'avenir des générations futures. Parce que c'est un héritage que l'on laisse aux générations qui arrivent, puisque ces déchets plastiques vont persister pendant plusieurs centaines d'années, voire plusieurs millénaires. Et c'est très intéressant de rappeler que justement, il n'y a pas de solution miracle par la technologie à ce problème majeur qu'est devenu le plastique, cette drogue dure, comme vous la caractérisez, Nathalie Gontard, dans votre livre. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie beaucoup tous les trois, Florence Achaise-Leroy, Philippe Chalmin, Nathalie Gontard, d'être venus nous sensibiliser sur cette question de l'invention du plastique et de son évolution. Et pour conclure cette émission, nous nous quittons comme chaque jour en musique avec le morceau Plastic Beach de Gorillaz. Un grand merci à toute l'équipe de Reka, Alexandra Delbo, Mariam Ibrahim, Tom Mundenstock, Antonin Amberger, à la réalisation Milena Ellig, à la technique aujourd'hui Jean Frédérics. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France. Demain dans Eureka, nous vous parlerons d'une découverte capitale qui a marqué un tournant dans le domaine de la biologie et de la génétique. Nous vous raconterons l'histoire de la découverte de l'ADN, mais d'ici là, n'oubliez pas, tout reste à découvrir. Oh, France Culture. L'esprit d'ouverture.